Approchez, approchez. Je vais vous présenter un type qui est du côté de sa vérité, de la variété et de l'amusement parfait. Le genre de gars qu'on aimerait rencontrer rien que pour déconner. Mais qui c'est ? Il est arrivé sur Terre, à côté du ministère, des instruments de musique les plus classiques. Il a d'ailleurs volé une guitare acoustique et il a chanté le nez de Dorothée. Corbidou, Corbidou, Club Dorothée, pour délirer, pour bosser, dessin animé. Corbidou, Corbidou, sur TF1 et avec AB, mais c'est du passé. Alors attention, un mercredi de folie tout à fait exceptionnel, puisqu'il n'y a pas ni Dorothée, ni Ariane, qui, vous le savez, sont toutes les deux récentes. Corbidou, Corbidou, aujourd'hui le temps a passé, et il continue de chanter, il fait marrer les étudiants dans ses soirées, et le reste du peuple qui veut bien l'écouter, sacré Corbier. Corbidou, Corbidou, pour bien rire, pour s'émouvoir, sans les mouchoirs. Que font les oiseaux dans leur nid, c'est à vous ? C'est bien, que font les canards dans leur coin ? Corbidou, Corbidou, drôle de chanson, contre les cons et les troufions. Levé à passer une mauvaise nuit, ça lui arrive les jours. Corbidou, Corbidou, si tu as pas mal de soucis, il ne pourra pas te les régler, mais il pourra te les faire oublier en chantant fichu journée. Corbidou, Corbidou, émotion, frisson pour toi, drôles et rares. T'aurais pu 100 ans et plus vivre cette vie-là, lorsque le virus de Vénus un jour les trucida. Corbidou, Corbidou, folklorique et fantastique, il est unique et bien pratique. Il a du choix, qui a coulé le Lyrica, c'est pas un bâtard. Et les épinards, c'est pas un bleu, tout pour être heureux. Il est pas fou, notre Corbidou, Corbidou, Corbidou, Corbidou, Corbidou, Corbidou, Corbidou, Corbidou, Corbidou. Approchez, approchez. Je vais vous présenter un type qui est du côté de sa vérité, de la variété et de l'amusement parfait. Le genre de gars qu'on aimerait rencontrer rien que pour déconner. Mais Corbidou, Corbidou, Corbidou, Corbidou, Corbidou, Corbidou, Corbidou. Ma petite sœur Germaine, disparue depuis 6 semaines, a été retrouvée morte dans le grenier. Ma petite sœur Germaine est une enfant gâtée.